Era Moradalia, Komora yazisiwa, Tarehe naramiwa, haswa nihora zaniwa, Maone ihuziwa, Zuwani ihotziwa, Mwali nangazija, Shiziza misiwa. Nouvelle touche à cœur, Komoria forever, La neige il l'a jamais vu, ce qui connaissait la chaleur, Plaquette débardeur, avis aux visiteurs, Après le décollage, le voyage dure 12 heures. Dès l'atterrissage, sourire sur les visages. Déjà à la réception, les clés ont attendu les bagages. C'est la hasse en masse dans un taxi brousse. Pour s'asseoir, on s'entasse, c'est le zbeul, tout le monde se pousse. À la zombie, du maélé m'attendait, accueilli comme un padré dès mon arrivée. Coupure de courant, je t'avoue que c'est très courant. Tu verras des maisons tôles, mais pas trop de bâtiments. Toujours sur les plages, je galère pas au village. Mon billet d'avion, j'amortis, je profite du paysage. Tous les mecs que je croise sont soi-disant mes cousins. Tous prêts à tout pour avoir ma paire de requins. Era Moradalia, Komora yazisiwa, Tarehe naramiwa, haswa nihora zaniwa, Maone ihuziwa, Zuwani ihotziwa, Mwali nangazija, Razo zizamisiwa. Ewa, Komoria mafia, la tenue idéale, c'est le kandou avec le kofia, Ngazija land, mais les autres il a l'amende. Vas-y demande, mon bête connu pour l'île Anguilan. C'est pour la famille de Béni à Moroni. Si tu nous manques de respect, on dira Huni Huni. Sous les cocotiers, les cocos et les mbaillés. Dans les cabanes empaillées, dégustes tu les cahiers. Ensoleillé, la canicule c'est ordinaire. Réveillé par les coqs et par l'appel à la prière. Tu veux bronzer, le soleil va te calmer. 40 degrés te transformant pour les braiser. Les coutumes, les mariages, c'est pas des histoires. Mon île c'est l'île de la lune et ça faut le savoir. J'adore les Comores, la mer et son décor. Quand sera venue ma mort, c'est là que reposera mon corps. Moradalia, Komora yazisiwa, Tarehe naramiwa, haswa nihora zaniwa, Maone ihuziwa, Zuwani ihotziwa, Mwali nangazija, Razo zizamisiwa. Era Moradalia, Komora yazisiwa, Tarehe naramiwa, haswa nihora zaniwa, Maone ihuziwa, Zuwani hinotziwa, Mwali nangazija, Razo zizamisiwa.